aimez les tas, les vésicules, le vide, les faits non prouvés, la logique de comptoir, la technique hasardeuse, les équations sans solution, ouais, c'est le... l'exactitude. Alors, vous devez écouter la pompe à vide, même l'existence de cette jingle, de science plus ou moins fausse. La pompe à vide, tous les mercredis à 18h sur Pinot. Bon, ça va recommencer la pompe à vide. J'ai toujours annoncé la couleur. Allez, on va reprendre. Voilà. La science plus ou moins fausse. C'est quand même... Bon, bref. Alors, pas d'activité sur le chat. Bon, très bien. Ça ne m'empêche aujourd'hui pas non de plus. Continuer. La musique The derrière, c'est Abandoned Places. Donc, cette seconde partie... je me suis attaché à essayer de plus ou moins définir le genre plus de la pompe à vide en utilisant donc comme unique source le petit livre que Pierre Bourdieu a écrit sur la domination masculine. Masculine. En fin de carrière. Qu'il a écrit en 98, c'est possible ça. Ouais. A priori. Il est mort en. Voilà. Alors. En guise d'introduction, ce serait pas mal de PAV 8. 2, ouais, à Paris. En guise d'introduction, donc, le titre, c'est « La pompe à vide passée au crible des questions de genre ». Bon, c'est un titre un peu pompeux. Hein. Ouais. Donc, selon Bourdieu, j'ai résumé déjà ce que faisait la pompe à vide. Et donc, la pompe à vide, c'est... Un processus créateur d'objets, de concepts. C'est lui-même un concept. Dont le but est de transformer un milieu continu à densité variable en un milieu discret, c'est-à-dire discontinu. Et donc on a trois types de résultats. Trois types. Le tas unique, le tas densité infinie, le plasma et des tas mixtes à densité finie. Ok. Chacun de ces objets a des propriétés particulières et des univers d'appartenance. Par exemple, le milieu continu fait partie de l'univers du continu. L'univers le plasma et le tas unique font partie des univers discrets, donc c'est-à-dire discontinus, c'est-à-dire des univers constitués de deux chiffres finalement, ou d'une seule différence. D'accord. 1 ou 0, une seule différence, c'est comme le binaire, et l'état mixte qui font partie de l'univers mou. Ensuite, il y a des degrés de variabilité. Connaissez-vous la logique? Pour le milieu continu, c'est la densité. Pour le tas mixte, il y a 5 degrés de variabilité, un certain nombre de phases et des grandeurs locales. Mais la caractéristique la plus importante et qui va nous servir à déterminer le genre des différents des différents objets de la pompe à vide et créé par la pompe le genre de la pompe à vide elle-même, c'est le fait que le milieu de départ soit un milieu continu. À densité variable. Que suivant les processus, le tas issu de l'implosion est un tas unique, donc essentiellement discret, discontinu. Donc on passe de discontinu au continu. Le plasma fait partie de l'univers discret, mais en fait est plutôt continu. Il ne s'agit pas d'un seul objet, mais plutôt d'une nuée de micro-objets. Et ensuite, le tas mixte, qui est un ensemble de tas qui sont à la fois des objets creux et pleins. Voilà. Ça, c'est pour résumer. Alors, pourquoi avoir pris ce virage ? C'est pourquoi la question du genre ? Alors, se poser cette question, ça permet d'utiliser un appareil critique ou une grille d'analyse critique novatrice, dans le sens où, généralement, sur des objets, on va dire, de pseudo-scientifiques, on utilise assez peu souvent cette grille d'analyse. Ça la permet ensuite, on va dire par extension, de se demander en quoi la connaissance scientifique ou la connaissance pseudo-scientifique elle-même est liée ou pas à un mode de production qui est lui-même genré. Ça se permet aussi de se poser la question du genre, du mode de production de la connaissance voilà. Pseudo-scientifique. Voilà, scientifique. Oui, et on peut enfin se poser la question suivante, oui. La logique et la rationalité ne sont-elles pas finalement des outils d'accès à la connaissance, eux-mêmes genrés, masculin, du coup. Voilà. Ouais. Ça permet de poser ces trois questions. Ok. Bon, c'est ambitieux. Une définition qui ne regarde que moi. Ah, d'accord. Voilà, je... Prenez pas de risques. Je cherche à définir ce qu'est le genre. Ouais. En réfléchissant un peu, j'ai trouvé deux catégories de définition, donc à un niveau, on va dire, individuel et à un niveau social. Donc, le genre, dans un premier temps, est un ensemble de caractéristiques physiologiques et biologiques, on va dire, qui permet de. C'est bien que c'est pas que ça. Hein. Qui permettent de faire des catégories de personnes basées sur leurs caractéristiques physiologiques. Classement, quoi. Dans un deuxième temps, c'est une assignation qui peut être faite par n'importe quelle structure sociale autoritaire. La famille, l'État, l'école, les amis du village. Oui, d'accord. Bah, c'est aussi un classement. Assignation. Signe pour et enfin, il s'agit au niveau individuel de consentir à cette assignation ou de la refuser. Voilà, c'est la définition du genre qui est se déclasser quoi finalement. Une tentative de définition. Au niveau social, donc là, je me base uniquement sur la définition donnée par Bourdieu, ou du moins ce que j'ai compris définition. De la définition. Donné par Bourdieu dans son livre La domination masculine. Voilà. C'est un prisme d'analyse qui est très très réduit et qui est uniquement valable dans certaines conditions. Ouais. Donc dans ce livre, c'est pas une définition. La domination masculine sur lequel je vais revenir juste après. Bourdieu décrit le genre comme une division. Donc le genre c'est la division soit des activités sociales, des goûts, des domaines d'expertise, des tâches ménagères. Et c'est une division qui permet la domination d'une catégorie de personnes sur une autre. Et aussi la perpétuation, une division qui permet la perpétuation de cette domination. Ok. Voilà. On continue avec Bourdieu. Donc, dans ce livre, Pierre Bourdieu... nous fait part des résultats de son étude de la société kabyle qu'il a choisie parce que ancien. C'est une société dont les modes de fonctionnement ont été un peu exclus ou non influencés par la modernité comme une sorte de ont été épargnés comme une sorte de société dont le fonctionnement n'aurait pas été influencé par les changements fossiles, on pourrait dire. Qui sont produits dans les sociétés plus modernes. Donc à partir de l'étude de cette société, il en vient en fait à donner, il trace un graphe. Utilise finalement ses travaux plus anciens. Qui lui permet, il associe en fait certaines caractéristiques au genre. Donc certaines caractéristiques, c'est plus que des caractéristiques. Certains mots ou des schèmes. Donc je vais essayer de décrire le schéma qu'il y a dans ce livre et qui nous servira en fait de grille d'analyse des objets de la pompe à vide et de la pompe à vide. Alors il faut déjà vous imaginer un trait l'analogie. Horizontal au centre duquel passe une croix, on va dire, des traits qui forment une croix. Donc, ce qu'il y a au-dessus du trait horizontal, on peut lire sec, dessus, dehors, ouvert, vide, masculin, dominant, sacré, droit. Donc, en fait, ça forme autour de ce trait horizontal, on a des mots qui sont horizontaux aussi, et ensuite plus haut, et ensuite des mots qui sont recourbés et qui forment une sorte de cercle autour de ce trait horizontal. Donc là, l'arc de cercle supérieur au-dessus de ce trait horizontal, on voit masculin, dominant, sacré, droit, puis des mots plus petits, couteau, fusil, sac, faucille, peigne à carte, moisson, coupe du tissage, feu, soleil, eau, droite, masculin, chaud, sud, jour. Donc tout ça, ce sont les attributs du masculin, du dominant, et aussi des mots familiers pour qui se rapprochent en fait du masculin. Dans la société cabine. Ensuite, si on va en dessous de ce trait horizontal, on a la même structure. Donc en gros, on a humide, puis on a plein, gonflé, fermé, dedans, dessous, et ensuite féminin, nature, cultivé, sacré, gauche, dominé, froid, nord, nuit, hiver. Voilà tout ce qui est associé en fait au féminin. Donc toujours selon et féminin, c'est juste Bourdieu et selon son étude de la société kabyle. Et ensuite, à droite et à gauche de ce trait horizontal qui est fini, on a d'autres mots qui en fait sont des mots de transition. C'est comment on passe en fait d'un groupe de mots à un autre. Donc pour aller du bas vers le haut, donc on a un mot, donc on a dehors qui fait partie du haut, puis une flèche, et au bout de la flèche on a dedans. Donc aller de dehors à dedans, c'est passer en gros ça correspond à l'ensemble de choses qui passent du masculin au féminin. De sec, de devenir humide, c'est la même chose. Et on a la même chose de l'autre côté, donc si de humide on devient sec, on devient masculin. Voilà. Pas vers le haut. Donc en fait, autour du masculin, on a toute une flopée, une constellation de mots qui évoquent ça, ou de mots de valeur, ou d'objets, ou de sensations. Qui, donc d'un côté, se rapportent au masculin, et ensuite... d'autres qui se rapportent au film. Du même groupe que le masculin. Donc ceux sur lesquels on va se poser, c'est alors ils sont pas dans ce tableau, mais ce tableau permet d'avoir une grille d'analyse. On peut utiliser cette grille de mots et de vocabulaire pour du coup déterminer le genre de n'importe quoi. Voilà. Donc trouver, il est 18h47. Des mots il est temps de passer un petit jingle. Pas mal. Merci. La bomba de passio. La pompa bomba de passio. Pas mal. Ok. Donc le but, c'est d'utiliser cette grille d'opposition en fait et d'assignation symboliques bourdieusiennes, voilà, qui sont issues, je le répète encore, d'une étude d'une société kabyle. Mais dans son livre, en fait, il fait des parallèles, donc entre cette grille-là, il l'applique aussi. Enfin, il voit des parallèles avec les modes de fonctionnement d'une société paysanne, enfin rurale, qu'il connaît bien dans le Béarn, la société paysanne béarnaise, et aussi dans des aspects du sociaux de notre vie plus moderne. Voilà, ça lui sert de modèle ou de grille d'analyse. Que tous les fils de Bourdieu. Il y a deux anecdotes qu'il raconte sur le mode de fonctionnement de ces sociétés. Donc, par exemple, son fils fait cadet qu'on pourrait associer le discret au masculin et le continu au féminin. Alors je vais lire ce passage, philo, en fait, de Bourdieu. C'est assez court. J'ai ainsi le souvenir que dans mon enfance, c'est Bourdieu qui les hommes, voisins et amis qui avaient tué le cochon le matin, dans un bref déploiement, toujours un peu ostentatoire de violence, cri de l'animal qui s'enfuit, grand couteau, sang versé, etc., restaient pendant tout l'après-midi, et parfois jusqu'au lendemain à battre tranquillement les cartes, à peine interrompues pour soulever un chaudron trop lourd, pendant que les femmes de la maison s'affairaient de tous côtés pour préparer les boudins, les saucisses, les saucissons et les pâtés. Donc on voit l'activité ici des hommes qui, on pourrait dire, une activité discontinue, en fait. Donc c'est tuer le cochon, voilà, qui donc une activité discrète, très violente, brutale, qui intense. Fait beaucoup de bruit. Donc il faut s'imaginer cette activité, le bruit qu'elle fait, mais qui est très bref. Donc une grosse discontinuité et en deçà ou à côté, l'activité des femmes qui, elle, est très longue dans le temps, qui est très continue, voilà, qui n'a pas de grand changement de densité comme ça. D'intensité. Qui a une densité variable mais de façon continue. Ouais. Voilà, ça c'est le premier exemple. Le second exemple est pris, lui, dans la société kabyle. Je vois. Notamment dans la façon dont la vie agraire est rythmée. Donc dans le cycle, je lis, hein, dans le cycle de la procréation comme dans le cycle agraire, la logique mythico-rituelle privilégie l'intervention masculine, toujours marquée à l'occasion du mariage ou de l'ouverture des labours par des rites publics, officiels, collectifs, au détriment des périodes de gestation, tant celle de la terre pendant l'hiver que celle de la femme, qui ne donne lieu qu'à des actes rituels facultatifs et quasi furtifs. D'un côté, une intervention discontinue, donc on a bien discontinue et extraordinaire dans le cours de la vie, action risquée et dangereuse d'ouverture qui est accomplie solennellement, donc c'est le labour, parfois comme pour le premier labour, publiquement à la face du groupe. De l'autre, donc d'un côté on a cette intervention discontinue de l'homme, dangereuse, ouverte, et de l'autre, une sorte de processus naturel et passif de gonflement dont la femme ou la terre sont le lieu, l'occasion, le support, plutôt que l'agent, et qui ne demande de la femme que des pratiques techniques ou rituelles d'accompagnement, des actes destinés à assister la nature en travail, etc. etc. Voilà. Donc là, on commence à sentir, si on applique ces deux critères, on commence à pressentir, peut-être présupposer, le genre, d'après ces critères, des différents produits de la pompe à vide. Donc si on considère le tas, donc on répète qu'on a trois objets, le tas unique discret, donc discontinu, unique, dur, ouvert dans le vide, puisqu'il est dur. Dans le vide. Donc lui, comment ça, dur? Cet objet théorique, qui est issu d'un processus théorique, donc qui n'existe qu'en théorie, est un objet masculin. Ah. Donc ça c'est clair. Le plasma, lui, est un objet difficile à caractériser puisque même si il est discret, il a quand même une sorte de continuité d'un point de vue macroscopique. D'accord. De plus, il a une sorte d'homogénéité et on va dire de continuité si on prend de la distance. Donc, c'est un objet qui échappe à la caractérisation, on va dire, qu'on utilise pour ce travail-là. Quoi ? Hein ? Presque de la même manière, le tas mixte, qui lui, donc les deux objets d'avant, le plasma et le tas discret, sont des objets théoriques issus du processus théorique de formation des tas. Ouais. Le seul objet réel qui est le tas mixte, lui, appartient à l'univers mixte, à une structure molle, est constitué de vide à densité non nulle et de tas à densité très grande mais finie, a une propriété extrinsèque, sa forme, et intrinsèque, sa densité moyenne, échappe à la division ou alors se situe exactement sur la ligne de division ou au centre du schéma d'opposition. C'est-à-dire que le tas mixte, en ce sens qu'il est, même si il est discret, l'ensemble des tas mixtes, lui, forme une somme de discrétion. Donc, pareil, d'un point de vue, ça peut être considéré comme une continuité. Il est à la fois extrêmement dense, mais il contient le vide. Donc le tas mixte est, donc, comme son nom l'indique, quelque chose de mixte qui échappe l'assignation selon la grille de Bourdieu. Et enfin, j'aurais dû parler de ça, mais le milieu continu, le milieu... lequel le processus de la pompe à vide se produit, et lui donc fondamentalement féminin. Ok, voilà. Nice. Donc, merci. Qu'est-ce que je dis là? Ouais, voilà, les tas forment un univers de discontinuité, mais leur circulation et leur changement de forme donne un aspect changeant à cette continuité. Un aspect, on peut dire, presque humide. Hein. Voilà. Et aussi le fait que l'état mixte, eux, sont, comme ils sont remplis aussi de vide, ils ont cet aspect gonflé. Mais quid D'accord. de la pompe elle-même ? Voilà. Donc l'état mixte sont ça, à la fois masculins de par leur densité très grande, de par le fait qu'ils forment des ensembles malgré tout discrets, puisqu'un tas n'est pas un milieu continu, mais leur nature même, donc creuse, molle, fait qu'ils font à la fois aussi partie du monde féminin. Okay. Ensuite, donc on a le milieu continu qui lui est féminin, le tas discret qui est un objet théorique lui est masculin, yes. Et le plasma et le tas mixte, pour différentes raisons, apparaissent comme des apparaissent échappés en fait à l'assignation de genre selon toujours ce qui est établi dans le livre de Bourdieu, la domination masculine. Okay. Donc on se pose maintenant la question, dans les 5 minutes qui restent, sur le genre de la pompe à vide. Quel est le genre de la pompe à vide ? Peut-elle être considérée comme un objet de la même façon que l'État ? De quel genre, donc toujours bourdieusien, est-elle au service ? En tant qu'entreprise conceptuelle, quel est le genre de son activité ? Comme c'est une question un peu compliquée, je pense que je vais la laisser pour la prochaine fois. Ah. Et passer un morceau pour la transition avec la prochaine émission. D'accord. Remercie de votre attention. J'espère être là la semaine prochaine pour finir au moins cette présentation. D'ici là, portez-vous bien. Ça. Et je vous prie de ne pas hésiter à écouter Pinode. Qu'est-ce que je voulais mettre déjà ? Ah ouais. Bon, il faut continuer. Ouais, au moins finir Merci. Ce truc. Au revoir. Merci, ouais. Salut. And conjure up a bitch to bone when I'm alone. Bullshit, I'm told back, I need to take a piss. Only when I'm drunk, I sing a song like this. I get drunk and I stumble to the phone and conjure up a bitch to bone when I'm alone. Bullshit, I'm told back, I need to take a piss. Only when I'm drunk, I sing a song like this. I get drunk and I stumble to the phone and conjure up a bitch to bone when I'm alone. Bullshit, I'm told back, I need to take a piss. Only when I'm drunk, I sing a song like this. Oh yeah. Yeah, a little louder, a little louder, a little louder. One, two, yeah, just like that. Yo. Yeah. Ain't no party like an alcoholic party. Ain't no party like an alcoholic party. Ain't no party like an alcoholic party. Ain't no party like an alcoholic party. Ah, je me souviens. Ain't no party like an alcoholic party. Ain't no party like an alcoholic party. Ain't no party like an alcoholic party. J'avais mis ce morceau. Ain't no party like an alcoholic party. Ain't no party like an alcoholic party. Ain't no party like an alcoholic party. Il n'y a pas de basse. Voilà. J'avais mis ce morceau un coup. I get drunk and I stumble to the phone and conjure up a bitch to bone when I'm alone. Ouais, donc il faudrait que je finisse au moins cette partie de la pompe à vide. Je vais peut-être faire ça après la semaine prochaine. Et puis relancer ça. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On essaie quand même d'avoir une discipline. Ah oui, voilà. Ah, merci. Merci XMX. Ouais, c'est une question intéressante. Bon, j'avoue, c'est un peu léger ce que j'ai fait, mais bon, il faut pas oublier qu'on est là pour rigoler, qu'on ne met jamais autant de sérieux pour rigoler que pour être sérieux, et que c'est tout, que la pompe à vide est une conscience. Voilà. Le reste de l'émission. Ah oui, si, j'ai une anecdote de ce week-end. Je suis donc, c'était l'anniversaire de ma mère et je suis allé dans le Jura. Et il y avait ma famille et on a joué à la pétanque. Enfin, on, quand je dis on, c'est les hommes. Pendant que les femmes, elles, restaient sur le côté, les bras croisés, en train de surveiller le fils de ma petite sœur. Voilà. Donc une scène assez représentative. Allez, là on passe à autre chose. On passe un peu à... On met de la musique des années 90. Cassette. It hurt me when I caught the breath. On écoute Drive Life. Un groupe de Montpellier. Fear. Enchaîne vite. Dédicace cette deuxième partie des discussions à mon frère. J'espère qu'il écoute. Stop. Club Stuff encore. Un jour j'adorais mal, de très mal et à pied, de prendre des coups. Puerto Velo Bones, album Amigos, Angers. إذا لم تكن امرأة شخص مهم في البلاد يا امرأة العالم الثالث إذا كنت إنسانية اخترعي سياستك ونحن معك on encore un petit peu de temps. Change un peu de... Non, pas vraiment. On passe à Outre-Atlantique avec Psychophytol, mais j'ai aucune information sur le nom de l'album, ni le nom du morceau. Je crois que c'est live. What's up? How you people been? I wanna thank all of y'all for coming out here tonight. C'est un live. Everybody move up! Come a little closer. You guys gotta remember, this ain't just our show, this is your show. This is my mic, and these are your mics, so don't be shy. Sing along, everybody. We're sick of it all. This whole set goes out to all of you for showing up tonight. Let's go, Injustice System! We'll be right back. spécial, à la fois pompe à vide, à la fois entretien. Avec Sicko Pistol en live 92, 13. Pour éteindre. Ouais. Ok. On va mettre un morceau avec une fille qui chante. Ah, super. C'est exactement le morceau que je voulais mettre. Full. Full, full, full. Merci, merci Pilote pour cette plage sonore. Merci à tous. Human Waste Project. Et ouais. To see I'm blue. l'émission. Désolé, je mets un morceau de... Pardon. Chevrolet, je sais, c'est pas super. Voilà, considérant tout ce qu'il a fait. Pardon. Je salue Isaac, que j'ai déjà rencontré, je crois qu'il va prendre la suite. Au câble. Bonne émission. Désolé pour cette émission assez émotionnelle. Ce sera plus tenu la semaine prochaine avec un invité. Ce sera Cthulhu qui sera là pour les entretiens de Grenoble. Merci à tous. Merci. Bisous. Merci. corpo, accontentando il senso della nutrizione, il viso, l'ascensione, l'assolvenza dell'inappetenza. Perché un bel volto bello se lo si può guardare, è un disimparare del mondo, questo è quello. Così ci si innamora di un viso in cui le strane danze. Sotto la croce, loro dialetto antico, nel loro diletto pratico, che la vogliono fare bollire. Che la vogliono suonare, appesa al campanile. Che la vogliono ricoprire di cioccolata. Che la vogliono servire in bocca. Ad una bocca sterminata di forno. Che cosa le tocca? Sentire che cosa? Allora ricordarsi di fare delle cose, delle fotografie, che possono sempre servire e non se ne parli più. Gesù, Gesù, che non se ne parli più. Gesù, Gesù, ed è ancora mattina. Sono pronti a bere qualcosa e poi si riprende fiato per fare le bolle acustiche. Che la vogliono olio e limone. Che la vogliono aggiustare. Entriamo in un portone. Che la vogliono.